Comme une ombre sur mon épaule, John Black Fox. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre, qui seriez-vous? C'est le genre de question que je ne m'étais jamais posée. Je ne suis ni un philosophe, ni un ado en manque de repères, juste un commercial parcourant la France en long et en large pour vendre des machines-outils. Lors d'un déplacement, je pensais aller m'installer sur la terrasse de l'hôtel quand j'ai croisé la route de cette femme aux drôles de questions. Elle se tenait à l'entrée du patio, plus ou moins cachée derrière la couverture d'un magazine de mode. Avec sa robe à col en V et sa coupe de cheveux soignée, elle avait tout de la réceptionniste en pleine pose, mais son regard était celui d'une physionomiste de boîte de nuit. Elle m'avait scanné de la tête aux pieds. Je m'arrêtai sur le seuil. « J'ai l'autorisation de passer. Vous avez même celle de vous asseoir à ma table, si le cœur vous en dit. » La suite de notre discussion a tout de suite pris des faux airs de session de recrutement. Au lieu de m'interroger sur les raisons de ma présence dans la région, elle m'a posé cette fameuse question. Je lui ai répondu que j'aimerais rester le même, en plus malin. Elle a enchaîné sur une autre devinette. « Et si vous vous retrouviez seul sur la Lune, vous feriez quoi ?» Il me fallut un moment avant de trouver une réponse satisfaisante. Elle leva les yeux au ciel lorsque je lui répondis que j'en profiterais pour lancer le premier casino galactique avec des stripteaseuses extraterrestres. C'était une manière comme une autre de badiner, un moyen de parler en toute franchise sans évoquer nos situations professionnelles. Il m'aurait été difficile de dire à ce moment-là si j'avais affaire à un chasseur de tête ou bien à une femme plus entreprenante que la moyenne. Elle possédait quelque chose de plus que les autres femmes. Ses cheveux étaient d'un roux brûlant, presque rouge, et il me semblait que c'était leur couleur naturelle. Entre autres considérations esthétiques, sa paire de seins était tout aussi remarquable. J'essayais de me concentrer sur son visage pour ne pas laisser tomber mes yeux dans son décolleté. Peine perdue. Ses gros seins me sautaient à la figure à travers sa robe. Ce n'était pourtant pas la singularité de ses traits qui la différenciait des autres femmes. Son assurance m'embrouillait l'esprit, de même que sa manière de parler comme si je n'étais pas le seul interlocuteur de la conversation. Après quelques questions, elle regarda son téléphone et coupa court à la discussion en me demandant le numéro de ma chambre. Elle ne s'était nullement préoccupée de mon emploi du temps ni de l'éventualité que je puisse être un mari fidèle. « Je vous laisse le temps de prendre une douche, » me dit-elle. « Je vous rejoindrai pour l'apéritif. » Si je n'avais pas entendu le son de ses talons résonner dans le hall, j'aurais pu croire à un mirage. Dès qu'elle eut disparu, je fonçais dans ma chambre, rangeais mon bazar, me douchais en urgence. À force de lustrer mon sexe pour le débarrasser de toute trace d'impureté, je m'étais mis à bander. Plus je frottais, plus je sentais les picotements m'envahir des cuisses jusqu'au nombril. Je sortis en vitesse de la douche, car le simple contact des gouttes à la surface de mon gland allait me faire jouir. Cette sensation était bien réelle. C'était d'ailleurs, en la circonstance, la seule chose à me paraître vraiment réelle. J'avais comme l'intuition que la femme ne viendrait pas, ou qu'elle me réservait une surprise. Est-ce que j'avais mal saisi ses intentions? M'étais-je fait une fausse idée? À moins qu'il ne s'agisse pas d'une femme. La taille de sa poitrine et ses yeux clairs m'avaient fascinée au point que j'en avais oublié d'inspecter le reste de son anatomie. Un détail m'aurait-il échappé, comme une pomme d'Adam proéminente ou un petit quelque chose caché entre les jambes? On n'était jamais assez prudent avec ce genre de rencontre trop facile. Je craignais sa visite à présent. Aussi, je m'habillais comme si j'allais sortir. Il serait toujours temps de prétexter un autre rendez-vous si je découvrais qu'un homme se cachait sous la carapace de femme fatale. Mon trouble ne m'empêcha pas d'ouvrir la porte lorsqu'elle toqua. Je n'eus pas le temps de gamberger. Elle me tendit un téléphone. Une voix d'homme sortit du haut-parleur pour me briefer sur la suite du programme. « Bonjour, vous devez considérer que ma femme n'est pas entrée seule dans votre chambre. Je serai avec vous tout au long de la soirée. Je ne veux ni entendre votre nom, ni voir votre tête. Je laisse à ma femme le soin de choisir des partenaires à son goût. Toutefois, si vous acceptez les termes du contrat, vous vous engagez à suivre toutes mes indications sans aucune réserve. » La femme qui m'avait déjà ôté ma veste remplissait deux verres de rhum brun. J'avais compris les grandes lignes du marché et j'étais prêt à me ranger aux conditions qui m'étaient prescrites. Je n'étais pas en position de négocier. Il n'y avait d'ailleurs rien à négocier. Si ce n'est moi qui baisais sa femme ce soir, ce serait un autre. « Si vous acceptez, madame va vous équiper pour la soirée », reprit la voix. La femme qui tenait à nouveau le téléphone le posa à ses côtés sur le lit. Elle sortit de son sac une petite caméra, une GoPro avec un harnais qu'elle me fixa sur le crâne. Sa dextérité témoignait d'une expérience certaine. Ainsi, l'homme au bout du fil partageait ma vision des choses tout en surveillant le moindre de mes gestes. Les seins de la femme frottaient contre mon torse. Elle m'avait débarrassé de mes vêtements et mon gland brûlait de nouveau d'un feu dévastateur. Je n'allais pas tenir longtemps. « Chérie, serre un verre à monsieur et montre-lui ce que tu caches d'autre dans ton sac, histoire de le détendre. » Je bus une longue gorgée de rhum et découvris dans le sac à main des boîtes de préservatifs, de tous les formats, avec cependant un petit point commun. Ils avaient un effet retardant. Elle trouva tout de suite la bonne taille. Debout, je baissai la tête sur ma bite, tendue, prête à cracher la purée au moindre coup de vent. Donnant à l'homme qui suivait toute la scène une vue très claire de mon anatomie. Après m'avoir enfilé la capote, la femme se mit à jouer avec mes couilles en regardant ma bite s'agiter comme une branche d'arbre maltraitée par la tempête, le temps de recevoir de nouvelles instructions. « Chérie, tu sais que j'aime me faire sucer pour commencer une nuit de sexe. » Je la regardais me lécher. L'image transmise par la caméra ne pouvait retranscrire ce moment d'étrange douceur. Si elle n'avait pas continué à me caresser les couilles, je n'aurais senti qu'une vague caresse lointaine, presque irréelle. Parfois, un doigt courait entre mes fesses pour me titiller la rondelle, mais je savais qu'elle n'irait pas plus loin, pas sans un ordre de son mari. Sa prise d'initiative s'était limitée à pousser la porte de ma chambre. Elle n'avait pas jugé bon de se déshabiller et elle avait gardé au pied ses chaussures. Baiser la femme d'un autre, c'est simple en apparence. Dans mon métier, on pourrait même y voir une sorte de déformation professionnelle. Disposant de temps libre, loin de chez lui, un VRP peut être tenté de se mettre à la recherche d'un coup d'un soir sans se soucier que la fille soit ou non en couple. Baiser la femme d'un autre ne m'avait, je l'avoue, jamais paru difficile, bien au contraire. Mais je n'avais encore jamais baisé une femme à la place d'un autre. La voix de l'homme surgit à nouveau de l'appareil. « Plus profond, chérie. Tu manques d'entraînement, on dirait. Tu pars 3 jours de la maison et tu ne sais déjà plus sucer ?» Elle n'avait pas l'air d'accord. Relevant la tête, elle tenta de se justifier, accompagnant sa plainte silencieuse d'un massage de la mâchoire. « Continue à sucer, » dit la voix grave. « Fais ce que je te demande. » La femme à nouveau motivée se remit au boulot. « C'est pas encore assez profond. Fais un effort, sinon tu vas m'obliger à forcer les choses. » Elle se fit violence pour me sucer encore plus profondément, en y mettant les doigts pour tirer sur ses lèvres. Ses yeux plissés ressemblaient à 2 étroites cicatrices humides. Cependant, elle avait beau s'atteler à la tâche, mon sexe coinçait quelque part dans sa bouche. Elle se retira dans un bruit de gorge suspect et implora à nouveau son mari. « Je peux pas plus !» elle a dit, à bout de souffle, une larme lui courant sur la joue. « Demande à monsieur de t'aider alors. » Elle s'empara de ma main pour la poser derrière sa nuque et se jeta la tête la première sur mon sexe. Comme par miracle, elle l'avala tout entier, dans un mouvement si brutal que son menton m'écrasa les couilles. Puis elle resta un long moment dans cette position, silencieuse et impassible. Lorsqu'elle se retira, sa respiration avait perdu toute trace d'humanité. Je faisais face à un monstre, un dragon au drôle de sourire déglutissant une cascade de bave. « Tu vois, chérie, il suffit d'y mettre du sien. Maintenant tu sais, n'est-ce pas, ce que tu vas faire ?» Elle ne se fit pas prier pour retirer sa robe. Comme elle ne portait rien dessous, pas même une culotte, en quelques secondes, elle se retrouva nue sur mon lit. La voix intervint alors. « Maintenant, écarte les cuisses. Il faut que je vérifie quelque chose. » Je glissai la tête entre ses jambes largement ouvertes et découvris un sexe d'une taille phénoménale. Ses grandes lèvres avaient gonflé de façon démesurée et les petites lèvres en dépassaient à la manière d'une langue de serpent. Son clitoris vibrait. Le vagin tout entier s'ouvrait et se refermait au rythme des inspirations affolées de la femme. Les nymphes se séparaient et se rejoignaient comme mues d'une vie autonome. Jamais je n'avais assisté à un tel spectacle. Plus la femme s'ouvrait, plus elle se gorgeait de fluide, et quand elle se refermait, un flot de mouille inondait sa peau, ses poils, les draps. Il y a seulement une heure, j'aurais donné cher pour qu'elle me montre son sexe et vérifier si elle était une vraie rousse. À présent, poser ma bouche entre ses cuisses me semblait synonyme de danger. Vu l'état de ta moule, on va se passer de préliminaires, a dit la voix dans le téléphone. Il est temps de nourrir la bête. Ses jambes m'attirèrent sur elle. Je passai la tête au ras de son sexe, me dirigeant vers son ventre, puis ses seins, et enfin son visage. Je n'eus plus alors le moindre doute. Ce n'est pas moi qu'elle regardait depuis le début, mais l'objectif de la caméra. Elle m'avait si bien agrippée que j'avais glissé en elle sans m'en rendre compte. Je m'étais soulevée pour constater que mon sexe était partiellement entré dans le sien, toujours plus ouvert, plus corrompu. Elle s'excitait sur le bout de mon gland sans que j'aie à produire le moindre effort et se trémoussait sur le lit pour m'aspirer en entier. J'y allais de mon petit coup de rein en attendant la suite du programme. Elle en réclamait plus, se pressant les seins l'un contre l'autre, mais je la laissais se tordre sur ma bite comme une gamine capricieuse. L'effet retardant du préservatif m'avait rendue insensible. J'allais pouvoir baiser toute la nuit s'il le fallait. Alors j'économisais mes forces et maintenais ma tête en direction de la femme pour que l'homme en profite. Il m'interpella directement. Touchez-lui les seins. Je reconnus au premier contact la marque du faux. J'aurais dû m'en douter. Ils étaient bien trop ronds, trop tendus, trop parfaits pour être un produit de la seule nature. Chérie, tu veux bien que je dise à monsieur combien m'ont coûté tes implants? Salaud! Sache que t'amuser à l'autre bout de la France ne te donne nullement le droit de m'injurier. Je vais demander à monsieur de te coller une gifle. Comme la gifle ne venait pas, il s'expliqua autrement. Si la main n'obéit pas, nous allons couper court et je vais régler l'affaire de manière expéditive. Je n'ai qu'à appeler la réception pour leur dire que ma femme se fait violer chambre 23. Elle avait tendu vers moi son visage pour me faciliter la tâche. Je m'exécutai en fermant les yeux. Quand je les rouvris, la trace de mes doigts était parfaitement dessinée à la surface de sa joue, d'un rouge en accord avec celui de ses cheveux. Son effarement parut satisfaire son mari. « Maintenant, tu vas me montrer ton cul. Je vais te prendre en levrette. J'adore la vue sur ton petit cul. » Elle se retourna et je l'embrochai en prenant soin de bien cogner contre ses fesses. Le bruit des percussions répondait au jappement de la femme. Pas besoin de parler, pas besoin de répondre. L'homme au bout du fil guidait le moindre de nos gestes et s'assurait à distance de leur exécution. Malgré l'extravagance de sa morphologie, ou à cause de cette particularité, je ne pouvais m'empêcher de détourner le regard de son sexe. Il fallait que l'homme voie. « Stop !» il dit. « Nous allons lui mettre dans la bouche. » Nous obéîmes tous les deux aux exigences du mari. Elle se retourna, ouvrit la bouche et mon membre glissa droit dans sa gorge comme un robot. « Je veux m'assurer que tu n'oublies pas le goût de ta mouille, chérie. » Une femme ne doit jamais oublier qu'elle n'est qu'un animal soumis à ses hormones, et tu vas me faire le plaisir de tout avaler avant que la main ne claque à nouveau. Décidée à satisfaire toutes les exigences de l'homme, je pris cette fois l'initiative. J'avais gardé les yeux ouverts pour mieux juger de la réaction de sa femme. Comme nous étions en sueur, ma main avait glissé plus qu'elle n'avait claqué. Je lui remis alors une seconde gifle, sans attendre. En force, en frappant du plat de ma main sur la même joue. Aucun de nous trois, et moi encore moins que les deux autres, ne s'attendait à ce que ça parte aussi vite une seconde fois. Tout le côté droit de son visage accusait la même teinte que sa crinière. Elle s'était massée la joue sans nous faire de reproches et m'avait avalé le sexe à fond. Je ne cache pas que j'aime la baise sale et grossière, quand la brutalité va de pair avec le plaisir. Mais à ce moment précis de la soirée, je pris peur de m'être rendu coupable d'une agression sexuelle filmée en direct. Mon comportement allait contre tous mes principes. J'aurais dû me sentir révoltée, ou pour le moins gênée, d'avoir agi de la sorte. Je ne m'étais jamais vue gifler une femme pour qu'elle me suce. Pourtant, j'avais trouvé là du plaisir à lui coller cette paire de baffes. Je n'étais, semble-t-il, plus maître de mes actes, et cette femme paraissait résolue à tout accepter. Je décidai de ne plus me poser de questions tant que la porte de cette chambre resterait fermée. Comme pour tester les limites de son autorité, l'homme enjoignit à sa femme de se placer sur moi, en Amazone, afin de mieux la voir. Dans cette position, son sexe m'apparut encore plus bestial, encore plus rouge, en feu. Et elle se démenait sur ma queue avec tant de violence que je devais me cramponner au drap pour ne pas me faire éjecter du lit. Notre partie de jambes en l'air venait de franchir un palier. Un coup de folie avait traversé cette femme. Sa manière de caramboler sur mon ventre, l'intensité de ses cris, dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là. Elle hurlait des sons dénués de signification, dans un corps à corps contre un ennemi invisible. C'est elle qui imposait le rythme. Je m'étais figée dans une pose ridicule, les bras en croix, tous les muscles de mon corps tendus. Dépouillée de mes sensations, je ne me tenais pas pour responsable de son état. Ce n'était pas avec moi qu'elle baisait, mais avec un autre qui s'accrochait comme une ombre à mon épaule. Dans un dernier élan d'extrême impétuosité, elle sursauta et se retira de ma bite en urgence. Quelque chose de terrible l'avait comme fendue de l'intérieur. Quelque chose d'assez prodigieux pour la clouer contre ma peau dans une crise de tremblement. « Ça y est, madame vient de jouir ?» demanda la voix dans un ricanement. Le visage perdu dans sa chevelure, elle articula un son qui pouvait être un « oui » comme un « non », mais la réponse allait de soi. Depuis que l'on baisait, je l'avais sentir jouir au moins deux fois. Son mari avait peut-être éjaculé, lui, derrière son écran. Moi, j'étais restée sur ma faim. Le fameux effet retardant m'avait complètement anesthésiée. Une fois calmée, la femme se mit à la recherche de sa robe. Je continuai à me branler en la regardant se traîner sur le sol de la chambre d'hôtel. À genoux, au pied du lit, elle était dans un tel état de stupeur que remettre sa robe apparaissait comme une épreuve insurmontable. « Reste comme ça. » Sans savoir à qui s'adressait l'ordre, nous avions tous les deux interrompu notre mouvement. Elle était à quatre pattes sur la moquette et je tenais ma bite à pleine main. « Je vais t'enculer, » reprit la voix au téléphone. « Non, c'est pas possible, » elle a répondu dans un filet de voix. « Bien sûr que c'est possible. » « Regarde, monsieur, il est tout dur pour ton petit cul, ma chérie. »« Je suis pas propre. »« C'est pas grave, monsieur est protégé. » Le jeu n'avait donc pas cessé. Jamais il n'était tenu compte de mon avis, et quand la femme parlait, c'était toujours dans l'axe de la caméra. « S'il faut te mettre une bonne fessée pour te faire changer d'avis, sois persuadé qu'on ne va pas se gêner. » Après les gifles, je n'étais plus à une claque près. La femme avait fait mine de prendre la fuite, mais s'arrêta dès que ma main percuta l'une de ses fesses. La chair ondula et la peau devint d'un rouge ardent. Après cette première incartade, mes mains claquèrent tant de fois que je sentis des étincelles me brûler la peau. Le feu se propagea sur son fessier, tel un étrange soleil aux teintes crépusculaires. Elle était sous le choc, au point qu'elle n'entendit pas son mari me dire d'y aller. Ma bite rentra plutôt facilement dans son petit trou. J'avais à peine forcé pour l'ouvrir, aidée en cela par la sueur et le déluge de mouille qui lui avait coulé d'entre les cuisses. En revanche, ce fut une visite éclair. J'ai dû me contenter d'un aller-retour dans son cul, le temps de passer le gland avec un minimum de délicatesse et de lui mettre le reste d'un bon coup de rein. Elle m'a littéralement expulsée en se jetant à plat ventre sur le sol. Cette visite surprise eut le don de réveiller mes sensations. Je retirai la capote souillée et je me branlai fort, excité par le spectacle de ses fesses encore brûlantes et de ses mains cherchant à repousser l'incendie. Elle se retourna juste à temps pour surprendre mon éjaculation, clou du spectacle. J'en avais craché plein sur le sol. Elle s'amusa à ramper sur la moquette pour étaler le sperme avec ses seins, visiblement épuisée, mais armée d'un authentique sourire de satisfaction. Arrivée contre moi, elle s'essuya la poitrine contre mon torse en m'embrassant le front avec tendresse. La caméra débranchée, elle coupa la communication téléphonique et quitta la chambre sans un au revoir. J'allais me repaître de son souvenir en me branlant jusque tard dans la nuit, au plus près des odeurs et des fluides qu'elle avait laissés partout sur mon lit. L'homme était toujours là, lui aussi, quelque part dans ma tête. Il m'ordonnait de faire des trucs dégueulasses à sa femme, et je jouis plusieurs fois à même les draps. Je m'endormis avec l'assurance de ne jamais la revoir, surtout pas dans les conditions du lendemain. La visite d'un salon professionnel m'attendait. Chez l'un de mes fournisseurs, une assistante vint excuser l'absence de Monsieur R. Sa femme assurait l'intérim, me dit-elle en me conduisant vers une jolie rousse au gros sein. La chérie de Monsieur R me tendit la main, un stock de questions pièges et de fantasmes cybernétiques cachés derrière son plus beau sourire.